Bonsoir, Marie-Hélène. C'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Aucun risque que le loup n'y ait plus, encore moins ces étranges créatures venues du fond du temps et qui vécurent elles aussi au cœur de l'immense forêt il y a près de 10 000 ans. Les sables stampiens, pins sylvestres, chênes ouêtres, mais aussi les chaos de grès du massif de Fontainebleau sont dits avoir inspiré peintres et poètes, dont l'école de Barbizon. Cette forêt a surtout été le centre d'un étonnant courant artistique, encore énigmatique, et qui prit forme vers 9000 ans avant notre ère. À l'occasion de l'exposition « Mémoire rupestre » qui se tient au Musée départemental de préhistoire d'Île-de-France, à Nemours, à l'invitation d'Anne-Sophie Leclerc, sa conservatrice, je suis parti dans les bois, cheminant entre les fougères, pour découvrir cet art en très bonne compagnie, celle de Boris Valentin, professeur de préhistoire à la Sorbonne, d'Alain Bénard, président du Gersard, et une fois n'est pas coutume, celle de Jean Rouault, écrivain prix Goncourt, qui porte un vif intérêt pour cette préhistoire, ses hommes, ses peintres, son art. Ah mais voilà, ça commence à enregistrer les conneries. Alors, on est bien. Non, j'espère que tu enregistres tout ça. Bien oui, oui. Alors ici, nous sommes dans la forêt domaniale des Trois Pignons, qui fait partie de ce qu'on appelle le massif de Fontainebleau. C'est toute la zone des grès qui occupe le sud de l'Île-de-France, de façon très clairsemée, hein, avec des gros chaos sur Fontainebleau. Et puis ensuite, ça s'étale dans les vallées de l'Essonne. Et puis ça finit sur la forêt d'Ambouillet. Et combien d'abris en tout et pour tout? Alors là, je vais vous donner le chiffre exact. On est à 2051. Voilà, parce que là, on a des périodes de prospection très intenses avec de très nombreuses découvertes. Et de 450 lorsque notre association s'est fondée, on est passé à 2050, donc récemment, là, avec un abri d'hier soir. Alors là, c'est un abri modeste qui résulte malheureusement d'une destruction par les carriers. Parce que c'est le gros problème à Fontainebleau, hein, surtout au XIXe siècle. Le grès a été exploité pour faire des pavés et des bordures de trottoirs, et des nombreux abris ornés ont été détruits par les carriers. Et alors, quelquefois, il reste des petits fonds ou des blocs épars qui sont gravés, qu'on trouve au sol. Alors on enregistre quand même. Il faut tout enregistrer. Même les gravures très minimes. On a des abris avec un sillon. Alors est-ce que ce sont des abris satellites, etc. Pour l'instant, on n'en est pas à une résolution assez fine dans l'étude pour percevoir ce genre de choses, mais c'est une piste de recherche. Et tous les abris sont ornés ? Eh non. Justement, on a de très nombreux abris naturels qui ne sont pas ornés. Quel est le choix des graveurs? Est-ce que c'est la dureté de la roche qui ne leur convenait pas ou une autre raison? La dispersion dans la forêt et la répartition des abris est totalement aléatoire. Il n'y a aucune constante en fonction du relief, des points cardinaux, de l'orientation, du soleil, enfin tout ce qu'on veut. On n'a jamais trouvé de constante. Il y a des concentrations, il y a des zones où il n'y a rien. Alors, nous voici, va-t-on dire, devant le porche d'une grotte? Alors, le porche est un grand mot, puisque le mot grotte est un peu inapproprié, c'est tout petit. Alors, on parle, nous, plutôt d'abri. Sachant que c'était des abris vraiment, généralement, très exigus, non habitables, et difficilement pénétrables, assez souvent, et, à mon avis, par une ou deux personnes à la fois. Pas plus, compte tenu de l'exiguïté des lieux. Ce qui nous indique que cet art rupestre serait plutôt un art individuel, avec un souci de non-ostentation, puisque ce sont des abris qui sont très discrets. Et à ce jour, on n'a trouvé aucune gravure en plein air, mais franchement en plein air, sur la surface des rochers. Il va falloir que je passe dans ce petit trou-là. On va commencer par là. Pour commencer dans l'ordre chronologique, en partant du paléolithique pour aller au mésolithique. Alors le mésolithique, c'est à peu près quelle époque? Alors d'après les études récentes qui sont faites, nos gravures seraient plutôt du premier mésolithique, donc aux alentours du 8e millénaire, pour nos régions ici. On a apparemment peu de gravures qui succéderaient au mésolithique moyen et à la fin du mésolithique. Donc on est sur des sociétés de chasseurs? Exactement, chasseurs-cueilleurs nomades, Donc, on est dans une sorte d'étroit boyau pris entre deux énormes blocs de Great Fontainebleau. Et puis, on va dire, deux, trois petites cavités. Une est un peu plus grande ici. Et il y aurait déjà des gravures ? Il y a le fameux cheval paléolithique, qui est unique dans le massif de Fontainebleau, qui est une rareté. C'est pour cette raison qu'on amène assez peu les gens ici, puisque sa discrétion, en fait, est sa seule protection. Et vous voyez ici, par exemple, une trace de pollution. Vous voyez ces bombages, là, bleus ? Il y a des gens qui se promènent ici avec des bombes aérosols de peinture. Donc notre cheval a risqué gros, là. Alors, on va y aller. Alors, moi, je vais rentrer. Je vais faire un tête-à-queue, là. Et la gravure, elle est juste après le coude, là. D'accord. Donc, vous allez passer la tête pour voir. Ça suffira. D'accord. Voilà. Alors, le fameux cheval de la Ségonia. Alors, ce que l'on remarque en premier, c'est cet ensemble de fissures naturelles, ici, là, qui sont en fait tout à fait naturelles et qui ont été remarquées par le préhistorique, car ça ressemble à un triangle plus bien féminin, ce qui est fréquent dans les grottes ornées, la représentation féminine. Donc ça a dû attirer l'attention du paléolithique. Et à côté, il a fait son cheval. Vous voyez ici, là, on voit très bien le train arrière, là, la ligne du dos, la crinière, qui est très fine, la tête. Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, on voit bien la bouche, on voit la ganache, on voit le naseau, on voit l'œil, et il y a des oreilles, il y a deux oreilles qui sont très difficiles à voir. La crinière qui est très fine, les pattes avant, les pattes arrière. Donc ce que l'on observe, c'est le style de la gravure, avec un abdomen qui est beaucoup trop long. L'animation segmentaire, on a un train arrière qui est au repos, alors qu'on a un train avant qui est en semi-cabré. Ce qui fait que l'on peut proposer, comme attribution chronoculturelle, une période identique à celle de Lascaux, donc ce serait du Magdalénien ancien. Donc quoi, 14 000 avant notre ère, oui, à peu près. Oui, à peu près 14 000 avant notre ère. On va essayer de sortir, essayer de faire une marche arrière. C'est sportif, hein ? C'est sportif. Alors là, pour la grotte du Cervidé, là, vous allez rentrer tout seul parce que c'est très étroit. Et on peut déjà voir de l'extérieur, hein, en se penchant un peu. Mais pour voir le cerf, il faut rentrer. Vous voyez ici ? Ah, extraordinaire ! Tout cet ensemble de quadrillages. Le quadrillage est la gravure emblématique, hein, de la rupèce de Fontainebleau, pour l'ensemble attribué au mésolithique. Hein. Donc ce que l'on observe ici, c'est l'absence d'organisation. Donc la paroi est irrégulière. On sent bien que les graveurs sont venus successivement, n'ont pas cherché à composer quelque chose. Ils réalisaient un graphisme qui leur était imposé, hein, c'est codifié, où il y avait de la place. Et point final. Il y en a partout. Mais ça paraît très organisé, de fait. Ben, ce n'est pas organisé. Il n'y a pas de composition. Il n'y a pas d'organisation. Il y a un côté codifié. Donc il y a peut-être une organisation mentale parmi les graveurs. Mais dans la réalisation des gravures, il n'y a pas d'organisation. D'autant plus que tous ces quadrillages sont différents. J'ai fait des statistiques sur les nombres de mailles. Et il n'y a pas de constante. Donc le graphisme, quadrillage était imposé, et ensuite le graveur, en fonction du temps dont il disposait ou de la force de sa motivation, faisait quelque chose de plus ou moins grand, de plus ou moins soigné, sachant aussi que la dureté de la roche peut être un obstacle. Alors ce que je vois, moi, c'est des traits, on va dire, verticaux, qui coupent des traits horizontaux, mais il y a aussi une sorte de petit triangle là-bas. Oui. Alors c'est un technostyle obtenu par rainurage, donc ce qui favorise la ligne droite. Il est très difficile de faire des courbes sur une roche qui est très dure, c'est de la silice. Le gravoir lui-même est en silice, donc on ne peut pas faire de gravure dite linéaire avec un seul passage. Il faut faire du rainurage, ce qui favorise évidemment la ligne droite. Donc on peut avoir des quadrillages, mais on peut aussi avoir des étoiles, des sillons isolés en série parallèle, des chevrons, des formes plus ou moins quadrangulaires, mais toujours à base de ligne droite. Alors ce qui est curieux, c'est que lorsque l'on connaît quelques gravures qui sont plus ou moins circulaires et qu'on les observe attentivement, on s'aperçoit qu'elles sont faites par une succession de petits segments rectilignes, puisqu'on ne peut pas faire de courbes. Donc le graveur remplaçait le tracé circulaire par une série de petits segments qui était jointif et qui finissait par faire une courbe quand on la regarde d'un peu loin. Alors là, pour le cervidé, là, ils sont sur le mamelon du centre, là. Si vous voulez les voir, il faut rentrer. Bon, eh bien, je vais rentrer. Alors, pour rentrer, vous allez rentrer tout seul, parce que sinon, vous ne pourrez pas bouger là-dedans si on est à deux. Donc, vous mettez le ventre là, et vous avancez par reptation. Et pour sortir, hein, vous sortez sur le ventre, les pieds en avant, pour ne pas tomber ici, la tête dans le vide. On va essayer. Hop. Bien. Tenez, si vous voulez regarder les quadrillages, en tablette de chocolat, tout à fait, hein. Oui, c'est tout à fait les tablettes de chocolat. Ça prend du temps pour faire ça. Hein. Ça ne se fait pas en 3 minutes. Alors, il faut imaginer que le graveur donc était fortement motivé pour passer un certain temps dans une position incommode pour graver probablement dans la pénombre. Parce que ici, nous sommes dans un tunnel qui a été muré aux deux extrémités. Donc, la lumière du jour devait rentrer. Hein. On connaît que très peu d'abris qui sont vraiment dans le noir absolu et qui ont nécessité un éclairage d'appoint. C'est peu confortable. Ah ben ça, c'est moi qui le dis. Et alors le cerf, il est sur le plafond ? Le cerf, il est dans votre dos. Dans mon dos. Hop ! Ah mais oui ! Alors vous avez en fait deux animaux. Il est d'abord très très stylisé. Ah tout à fait, avec les bois en dents de râteau. Mais vous voyez, pour celui qui est complet, il y a un quadrillage qui semble associé. Il y a un recoupement des tracés. Donc c'est un des exemples qui va être étudié en photogrammétrie pour bien voir s'il y a contemporanéité entre la gravure du cervidé et le quadrillage qui est à côté, qui est tout à fait caractéristique de l'époque mésolithique. Donc s'il y a contemporanéité, on prouve que le cervidé est mésolithique. Si il a été gravé postérieurement, mais là, il y a un doute. C'est presque un art naïf. Oui, c'est un peu rudimentaire, mais il ne faut pas imaginer que ces gens-là, par rapport au paléolithique, étaient des arriérés. Hein. Ils étaient très bien capables de graver, s'ils avaient pu le faire ou s'ils voulaient le faire, des gravures élaborées. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que leur culte, en quelque sorte, leur imposait ce graphisme non figuratif. Alors, à côté de ce cerf avec ses belles ramures, on a aussi une sorte de croupe. Alors, on a ce qui semble être le thème des affrontés. On a un animal inachevé en face. Quand on voit le profil du corps, on a bien l'impression que c'est exactement le même style que celui qui était inachevé. Et pour une raison inconnue, il n'a pas été terminé. Et alors, ce qui est curieux, c'est que le cerf est assez rare dans la gravée, mais on a plusieurs cas de cette position en affrontée qui se retrouve d'ailleurs à l'art paléolithique, entre parenthèses. Alors là, je reviens sur les gravures mésolithiques. On a ici, par exemple, uniquement des séries de stries assez profondes. Alors la profondeur est extrêmement variable. Ça peut dépendre surtout de la dureté de la roche. Ça peut dépendre aussi de la motivation du graveur, mais je pense que la dureté de la roche était l'élément essentiel, avec peut-être aussi la taille de son gravoir. Et là, c'est un des éléments qui est à l'étude par Colaguéret, qui étudie ses gravoirs et éventuellement les traces qui figurent de part et d'autre de l'arête, pour montrer si le gravoir a servi à graver quelque chose de profond ou de superficiel. Mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est le temps nécessaire. Ça ne se fait pas en 2 minutes, c'est assez long. Hein. La roche paraît friable, il y a même une sorte de petits éclats par ici. Bon, bien sûr, tout ça est très vieux, mais on sent que c'est un art qui est très fragile. Et forcément, les abris sont exposés aux intempéries, rien n'est éternel. Le grès est une roche bon, siliceuse qui est relativement dure, mais néanmoins, bon, il y a forcément des jeux d'érosion, ça c'est nécessaire. C'est pour cette raison d'ailleurs que, avec le projet de PCR qui est en cours de constitution, il y a un volet conservation avec une numérisation intégrale de quelques abris représentatifs pour garder une trace pour l'avenir, on ne sait jamais, hein, d'abris entièrement numérisés. C'est assez extraordinaire. Bon, je vais essayer de ressortir. Donc, je ressors les pieds devant, dites-vous. Les pieds devant sur le ventre. Sinon, vous aurez des problèmes. Vous allez piquer une tête dans le sol. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Nous voici à 5 devant un porche donc d'Abri-sur-Roche, gravé par nos mésolithiques, un peu cinq, un peu à l'image devant la porte de la grotte de Chauvet fermée. Jean Rouault, comment voyez-vous ces gravures? Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? C'est d'abord des lieux où des hommes ont estimé, hommes et femmes, que ça valait le coup de les marquer. C'est d'abord des marquages. Et on ne marque pas simplement pour marquer, on marque pour signifier. Alors ça signifie que le lieu a d'abord été élu. C'est ici et pas ailleurs. Et là, l'élection, on peut la deviner assez facilement avec ces amas de roches qui sont quand même assez extraordinaires, comme ça, au milieu de la futaie. Même si j'ai appris là que c'était plutôt des noisetiers que des hêtres ou bouleaux, mais de toute façon c'était un endroit boisé, et au milieu il y a ces amas rocheux qui percent la végétation, qui délimitent un autre territoire et qui empêchent l'envahissement. Donc le rocher comme forme de résistance à la végétation, ça c'est la grande information du mésolithique. Et donc celui-là du coup devient élu parce qu'il résiste, en sachant que la végétation c'est quelque chose qui empêche le déplacement, qui empêche la vision, ne permet pas ce que permettaient toutes les activités du paléolithique, à savoir la chasse, à savoir les grands troupeaux, etc. Donc le chaos rocheux, il s'agit de délimiter, il y a quelque chose qui a délimité un territoire qui résiste à cet envahissement de la forêt. Et ça vaut le coup de le marquer parce que ça doit être extrêmement puissant, alors que la forêt envahit tout, gagne partout. Il y a cet endroit-là qui dit non, ça ne passera pas par là. Alors qui est-ce qui a jeté ces cailloux-là et comment c'est arrivé là? Les gens de cette époque-là se disent « là, il s'est passé quelque chose d'intéressant, on a intérêt de se concilier ces forces-là ». Donc nos mésolithiques ont signé dans la pierre, l'ont même quasi scarifié. Pour vous, ce seraient forcément des messages, des sortes de boîtes à lettres? Ce sont forcément des témoignages. Là, on est plus proche du déploiement de cierges et des ex-voto, pour prendre des comparaisons qui ne sont pas actuelles, mais enfin, disons, du Moyen-Âge. Et on témoigne d'un passage. Il y a quelqu'un qui est venu là, qui a gravé là. Alors, à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui est spécialiste de ce genre de choses, à qui on demande de graver? C'est possible aussi. Mais le fait est que ça témoigne d'une volonté de se concilier une puissance là, qui est là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du domaine de l'esprit, qui est de l'ordre du domaine de l'invisible, et devant lequel on fait allégeance. Voilà. C'est une forme d'allégeance, de reconnaissance. C'est de reconnaissance qu'il y a quelque chose de plus fort que soi, de supérieur. Au paléolithique, on voit bien qu'est-ce qui est plus fort, puisque c'est ce qu'ils ont gravé. Ce sont les mammouths, les chevaux, les taureaux, les bisons et compagnie. Là, ce sont des signes évidents de puissance. Et toute cette faune-là a disparu. Le fouillis végétal correspond quand même assez bien toutes ces scarifications dans la roche. Donc on voit bien que la projection, la représentation mentale comme ça a déserté le domaine animal pour s'inspirer de ce phénomène-là comme ça, de pousse de la forêt. Et qu'évidemment on s'inspire de cette complexité-là, quoi. Boris Valentin, nous sommes sur des croyances? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une projection, une pure projection d'idées, pure projection mentale. Ce sont des choses, c'est l'abstraction au sens fort du terme. On n'y reconnaît rien, même si ce qu'évoque Jean Rouault, ce lien possible avec le végétal, ça n'est pas la première fois qu'on le dit. Et ça vient effectivement tout de suite à l'esprit dans ces gens qui sont plongés dans un univers végétal et qui eux-mêmes ont fabriqué une civilisation du végétal. On a des vanneries de cette époque. Certains ont dit que ces petites grilles évoquaient des vanneries. Pourquoi pas? Des pièges à esprit? Pourquoi pas? Genre où on serait sur une sorte de langue des signes dont on ne comprend rien, ou du moins les archéologues ne comprennent rien? De toute façon, il y a des tas de choses qui nous échapperont longtemps, à moins qu'on réussisse à trouver l'ADN des signes qui nous donnent la couleur des yeux de ces types-là. Mais encore une fois, on est dans le témoignage, et le témoignage, on connaît. C'est-à-dire, c'est ce geste qui, officiellement, n'apporte rien. C'est pas comme d'aller pêcher dans la rivière ou de courir après un lièvre. De ce geste-là, on doit attendre quelque chose puisqu'on le fait. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du domaine matériel, qui est forcément du domaine de la survie, puisque c'est quand même pour essayer de se concilier les forces qui nous dominent, et que à un moment donné, ça prend ce signe-là, cette forme-là, qui est intelligible pour ces gens-là. Donc on est sûr d'une chose, c'est que ça dit. Ça nous échappe ce que ça dit, mais ça dit. Il y a 10 000 ans, les mésolithiques qui sont dans la forêt de Fontainebleau sont des gratteurs, ils n'arrêtent pas de gratter, d'inciser, de graver. On retrouve ça ailleurs ? Pour l'instant, oui. Alors on retrouve dans la région du Tardenois, c'est la région de Château-Thierry, où on a un phénomène qui est analogue, peut-être pas exactement la même ampleur, mais c'est très mal connu pour l'instant. Ici, c'est grâce aux travaux donc d'une association qui inlassablement a prospecté, le GERSAR, donc, qui a découvert plus de 2000 abris. Donc on a une concentration tout à fait exceptionnelle, en des lieux particuliers en plus, hein, donc on est entre Nemours et Rambouillet, mais il y a des concentrations toutes particulières dans certains massifs de la forêt de Fontainebleau. Alors, en dehors de ces deux foyers, là, le sud de la région parisienne et le Tardenois, on n'a quasiment rien, je crois quelques petites choses dans les Vosges, et rien d'autre. Le problème qui se pose évidemment, c'est celui de la conservation. Ici, on est dans des massifs de grès, et c'est une roche assez dure, et les gravures se conservent, d'autant qu'elles sont pour la plupart abritées. S'il y avait des gravures sur des falaises de calcaire, par exemple, elles ont pu complètement disparaître. Ça, c'est le gros problème, évidemment, en préhistoire. Dès qu'on a des concentrations d'art relativement exposées, je ne parle pas de l'art des grottes, on se pose évidemment la question de la conservation différentielle, comme on dit. Est-ce que c'est conservé là parce que la géologie était favorable et ça n'est pas conservé ailleurs ? Ça, on bute très, très fréquemment sur cette question-là. Alors après, moi, ça me fait penser à un tout autre phénomène, tout autre du point de vue chronologique. C'est donc quelque part à partir du Solutrien, c'est-à-dire les environs de 24 000 avant Jésus-Christ, dans le nord-est du Portugal, on connaît un autre territoire préhistorique qui a été très abondamment gravé par des grandes figures en plein air, la vallée du Coa, autour de la vallée du Coa. Ça me fait penser à ça. Ça m'y fait penser parce que là, on a, avec la même densité, le marquage d'un territoire. Le marquage d'un territoire coutumier et symbolique, évidemment. Un commentaire ? Oui, vous avez utilisé une expression tout à l'heure, boîte aux lettres. Je pense qu'elle est assez pertinente. Et elle est de Jean Rouault. Bon, parce que c'est un message que l'on dépose dans un lieu privilégié qui est destiné à quelqu'un d'autre, dans le cas présent, des êtres surnaturels, ou on peut utiliser un autre mot, mais le terme boîte aux lettres me plaît bien, pas mal, hein. Donc une boîte aux lettres avec un message totalement incompréhensible pour les archéologues ? Le contenu du message, le sens du message, si on l'a approché, Jean Rouault l'a approché, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication avec des forces qui dépassaient ces gens-là, des forces qui nous dépassent encore, avec le surnaturel, comme disait Alain. Mais la manière dont ce message était précisément formulé nous échappera toujours. On n'a pas de pierre de Rosette pour ces périodes-là. En revanche, on va s'attacher maintenant à poursuivre les investigations qui ont lieu depuis maintenant une vingtaine d'années, qu'Alain Bénard a notamment déjà bien approfondi sur la façon dont ces motifs ont été fabriqués. On va utiliser donc des nouvelles techniques maintenant de l'imagerie 3D, la photogrammétrie, des photos en trois dimensions pour faire très simple, pour essayer de comprendre un tout petit peu dans ces motifs faits souvent de grilles, si ces motifs ont toujours été exécutés de la même façon, en suivant le même ordre des tracés. Est-ce qu'on commence toujours par la gauche, ou bien est-ce que c'est par la droite, par le haut, par le bas, etc. Je peux déjà répondre que les quelques tests qu'on a fait montrent qu'il y a une diversité de ce point de vue. Donc des motifs qui en apparence semblent stéréotypés ont été exécutés selon des façons différentes. Alors est-ce que ce sont des façons différentes qui relèvent de l'habitude d'un individu plutôt que l'autre ? On va essayer de croiser aussi avec des analyses de traits pour voir si ce sont les mêmes outils qui ont pu, à l'intérieur d'une même cavité, d'une de ces petites grottes, est-ce que c'est le même outil qui a été utilisé sur un certain nombre de motifs ? Est-ce que ces motifs ont été construits pareil ? De façon à isoler peut-être des ensembles à l'intérieur de ces cavités, des ensembles cohérents de gestes, hein, des ensembles de gestes, des séquences de gestes. Et puis ensuite, voir à l'échelle de toute la cavité s'il n'y a pas une organisation du décor. Alors on n'est pas du tout dans les mises en scène que l'on connaît dans l'art paléolithique, hein, rien de tel, de toute façon l'espace ne s'y prête pas. On est dans des lieux intimes, Jean Rouault évoquait tout à l'heure la petite chapelle, le dépôt de bougies, j'aime beaucoup cette façon de voir. Cela n'empêche pas que ce soit structuré, les bougies sont à un certain endroit dans la chapelle. Donc c'est cette structuration qu'on va essayer de retrouver. Moi j'y vois, et je me trompe peut-être, moi j'y vois une sorte de frénésie de gravé, toujours la même chose, des sortes de traits, des sortes de tablettes de chocolat. Vous ressentez ça ? Je pense que la difficulté de graver, y compris la position malcommode du graveur et l'exiguïté des lieux, ne devait pas causer beaucoup de plaisir au graveur. J'ai l'impression que c'était plus une contrainte qu'autre chose, parce que les conditions d'exécution ne sont vraiment pas favorables. Donc, parler de frénésie, là, ça serait un peu du maladif, mais ça écarte totalement le ludique, hein, de la chose. Hein, où c'est pas de l'art pour l'art, hein, donc les gens étaient obligés de graver, en quelque sorte. Hein. Une contrainte sociale, Boris Valentin ? Une contrainte sociale, sans doute contrainte. Je ne sais pas quel était le degré de liberté dans tout ça. En tout cas, il y a une codification derrière, à l'échelle de ce petit territoire, des gens, probablement assez nombreux, 2000 abris, sont venus à de multiples reprises, parce que même s'il y a peut-être structuration de ce décor, il est évident qu'il y a aussi des accumulations, un peu compulsif peut-être parfois, donc que sais-je, sur peut-être quelques générations, je n'en sais rien, ça c'est très difficile à dire. Les gens y vont animés par quelque chose, cette rencontre avec les puissances surnaturelles, et ils y vont pour eux et probablement pour les autres. Hein. Pour qui cet art est fait ? C'est une question dont on débattait avec Jean Rouault. Ces gens-là, le message qui a été posté dans la boîte aux lettres, il est aussi probablement posté pour les autres, pour ceux qui sont autour, je ne sais pas, ou qui attendent le retour. Jean Rouault. Oui, c'est le côté malcommode de la gravure et de l'inconfort de graver dans ces niches. Je pense que cet aspect-là participe de l'hommage. C'est en soi le fait de se faire mal. On a ça dans toutes les religions quand même. Hein. Les ceintures de silice, les mortifications, etc. Ça participe de l'offrande. C'est un sacrifice que l'on fait. Et la valeur de l'offrande est indexée à ce sacrifice-là, à la hauteur du sacrifice. Si on fait ça trop facilement, ça compte pas. On sait bien que les pèlerinages, si vous les faites sur les genoux, ça vaut quand même plus de valeur que si vous les faites en scooter. Donc le seul fait de s'attaquer à une roche dure, de se glisser dans des endroits, c'est tortueux, hein, faut vraiment... Bon, bien sûr, il y a le côté fœtal de l'affaire, ça, et qui rejoue la douleur de l'enfantement. C'est évidemment qu'il y a certainement quelque chose comme ça, mais enfin, ça c'est de l'ordre de l'inconscient, au lieu que la douleur consciente de passer des heures là à tailler la pierre en sortant, en se tenant de dos parce qu'on est complètement courbaturé, cette douleur là participe de l'offrande. C'est-à-dire que l'offrande sera bien mieux reçue si j'ai participé dans mon corps même à cette lettre là que j'envoie, quoi. J'ai pas confié au facteur. Je suis le propre facteur. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Najar, la technique Juan-Richard Dufour, avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 s'intéressera à l'archéologie orientale et aux fouilles en Afghanistan.